Allez, ce soir, votre pop and rock sur l'attrait local RVR va balancer entre rock et pop. Rock pour la partie découverte du 19e album de Iggy Pop qui, tel un fil rouge, va illuminer votre 206e pop and rock et pop pour une session de rattrapage car en novembre 2022 est sorti le nouvel album de Warhouse que nous avons manqué en beauté, donc ce soir, on se rattrape. Pour le reste, on se promènera entre nos habitués et quelques oldies but goldies comme tout de suite Warhouse qui du fin fond des années 80 nous envoie un cover de Bowie. Ziggy Stardust, Bauhaus, Bowie, voici donc le moment idéal pour vous balancer la piste 1 de Every Loser, 19e album de Iggy Pop, le reptile en chef des Stooges. Sea, y'all waiting on me. I'm in a frenzy, you fucking prick. On vient d'écouter Frenzy, premier titre très rock du nouvel album de Iggy Pop, album dans lequel, au fil des 11 titres, ça joue rock, punk ou plus cool, comme nous le découvrirons ce soir. Ouais, mais pas tout de suite. Ok, la voix off, on patiente. We'll be right back. Balthazar était ce soir dans notre programmation car un de ses deux leaders, Martin De Volder, sort avec Warhouse, ou plutôt a sorti car c'était en novembre 2022, un nouvel album. Warhouse, rappelez-vous. Looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you, love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far that it can bend. We just want to know how far. How we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. Know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. It's so hard to persist. For it's a beautiful mess. Beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Love Stranger, titre grâce auquel j'ai découvert le Warhouse de Martin De Volder qui en novembre passé a sorti Haha Heartbreak, toujours empli de cette nostalgie flamande dont je ne me lasse pas. God dying for your sins. There's not a step in. There's a god of the machinery. There's one sleeping with the enemy. There's a god for your shopping list. There's one hidden from the communist. There's a god that we wanna praise for spiking the drinks of the human race. No matter what I turn to, I turn to, it's failing me. No matter what I turn to, I turn to, it's failing me. Oh, oh, oh, oh, desire. D'ailleurs, piste 5 de Haha Heartbreak, dernier album en date de Warehouse, dans lequel on trouve aussi en piste 1 Open Window. Thank you. C'est marrant, ou pas en fait, mais quand j'écoute le Warehouse de Martin Develder, je pense au dandy punk grand breton Baxter Dury. Eh bien ok, j'envoie le Baxter. Merci la voix off. À nouveau sur le fil rouge, car ce soir dans Pop & Rock, on découvre le nouvel album de Iggy Pop. So you're strung out, Johnny. Des artistes qui vieillissent mal, de U2 à Simple Minds, mais il y en a d'autres qui résistent au vent contraire et au changement de siècle. Les Stones et Iggy Pop semblent appartenir à ce second groupe. Thank you. chaque lundi entre 17h et 18h, vous êtes bien au 104.6 en train d'écouter Pop & Rock, les petits enfants du rock. Kiss away, kiss away, rain, murder, lost, just a kiss away. Comme promis, votre 206e Pop & Rock a pour fil rouge le dernier album de Iggy Pop. Voici donc qu'arrive le dernier extrait pour ce soir, piste 8, All The Way Down, issu de Every Loser par Iggy Pop. Vous êtes bien calé au 104.6 et pour atteindre en beauté les 18h sur RVR, nous allons à présent retrouver des groupes que nous avons découverts récemment et que nous comptons bien estampiller Pop & Rock, comme tout de suite Animal Triste qui reprend enfin ses lives. garden full of trees. She burns, she burns, she burns the world. Voilà, votre pop and rock va bientôt s'achever, vous allez bientôt pouvoir rebrancher votre cervelle pour bientôt reprendre le cours de votre vie, pour bientôt vous rebrancher aussi sur Facebook pour retrouver sur la page de Pop and Rock, les petits enfants du rock, toutes nos émissions. Et surtout, bientôt, n'oubliez pas de nous laisser quelques petits commentaires. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous.